Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, famille. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre sur YouTube. En fait, on avait prévu un live ce soir, mais pour des raisons de calendrier, je n'ai pas pu le faire. Mais à la suite de l'autre, naturellement, on devait parler du pouvoir sur les métis. Mais ce sujet est toujours envoyé à une date ultérieure. Par contre, aujourd'hui, je vais plutôt vous entretenir sur le développement personnel, le développement spirituel personnel. Et ceci est une demande très pressante. Et comme vous le constatez, là, je sors à peine des classes, là. Je me suis dit, bon, je peux quand même m'entretenir. Je peux faire cette petite vidéo au moins de 45 minutes pour pouvoir répondre à certaines préoccupations de certains compatriotes, certains frères et sœurs africains ou européens qui ont peur de s'affilier à... Ils ont peur de s'affilier à certains milieux sectaires ou à certaines... loges ou encore certaines sociétés secrètes dites organisées où il y a un leader, un messager ou un prophète qu'on suit. Beaucoup de gens n'aiment pas effectivement s'allier à ce genre de mouvement. Et c'est ainsi qu'ils m'ont donc supplié de faire une vidéo très brève sur comment vous pouvez vous développer spirituellement vous-même, personnellement. Donc, le thème de mon petit sujet aujourd'hui, c'est comment se développer spirituellement tout seul. Eh bien, effectivement, beaucoup de personnes sont devenues ce qu'on appelle des libres penseurs. Un libre penseur, c'est qui? Bon, c'est quelqu'un qui fait ses propres recherches. Il fait ses recherches, il lit beaucoup, et en lisant, il fait certaines découvertes, et il ou elle fait certaines découvertes, pose des questions, et parfois va justement les découvrir en allant auprès des personnes qu'ils connaissent, et c'est à partir de là qu'effectivement, ils trouvent des réponses à leurs préoccupations. Ça, c'est un. Un libre penseur, c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas être influencé par n'importe quoi ou n'importe qui. Souvent, c'est des êtres très indépendants de toute forme d'affiliation, que ce soit une affiliation religieuse, une affiliation spirituelle, une affiliation sectaire, humaine, bien sûr, terrestre. Ils ne veulent pas du tout appartenir à qui que ce soit parce que, justement, souvenez-vous que j'ai sorti des vidéos sur les magies égrégoriques, le pouvoir des magies égrégoriques. Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était les magies égrégoriques. Ces magies égrégoriques, on les trouve premièrement dans les religions. Parce que toute religion est simplement le résultat ou encore le rassemblement de certains individus autour d'un leader. Ils ont décidé de créer une religion. Tout a commencé par une secte. Mais compte tenu du nombre d'adhérents, du nombre de personnes qui veulent tous croire à la même philosophie, qui veulent tous croire au même message, alors tous se griffent, ou se greffent autant pour moi, tous se greffent à cette religion-là. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons par exemple la religion musulmane, la religion chrétienne et bien d'autres qui sont devenues des religions internationales, universelles, seulement parce que elles ont atteint une dimension humaine assez importante. Donc, les magies égrégoriques, beaucoup de personnes ne veulent pas du tout s'y adhérer ou ne veulent pas rentrer dans ces milieux-là pour plusieurs raisons. Dans un enseignement, j'expliquais que le phénomène des magies égrégoriques, c'est qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, par exemple, lorsque vous êtes, puisque c'est l'égrégore en question ou la religion en question qui programme votre mode de vie. Voyez-vous, Ce sont eux qui dictent comment vous devez désormais vivre, ce sont eux qui vous dictent comment désormais vous comporter, ce sont eux qui vous dictent désormais ce que vous devez faire dans votre vie, de ce que vous devez faire de votre famille, de ce que vous... En un mot, même dans le mariage, même dans les relations, ce qui concerne les enfants, même dans le choix politique, dans un enseignement, il y a près d'un an, je disais que ça s'appelle une forme d'embrigadage de la conscience. On vous embrigade votre conscience. Donc votre conscience est sous le contrôle de cet égrégore. Et qui est en réalité l'égrégore? Ben, c'est tous les leaders de cette religion, hein, les anciens et les diacres et tous ces mecs-là. Bonsoir. Comme vous le constatez, je n'ai averti personne. C'est une vidéo que je fais comme ça sans... je n'ai averti personne, comme vous pouvez le constater, mais merci d'être rentré et de venir suivre cet enseignement. Donc, disais-je, les consciences des gens ou les esprits des gens sont embrigadés donc, dans ces systèmes-là. Et de nos jours, à cause des enseignements donnés çà et là par des personnes avisées, par des initiés, y compris votre humble serviteur, ça a amené une forme d'éveil de la conscience. Et ces consciences qui se sont éveillées se sont dit, mais ben, tiens, dans ce cas, ça ne sert à rien de continuer à être dans ces religions-là, parce que c'est dans les religions qu'on trouve effectivement ce phénomène de magie égrégorique. Et les égrégores, ce sont ces énergies qui contrôlent, n'est-ce pas, la masse humaine. Notamment Jésus est un pouvoir égrégorique, c'est une entité. Les musulmans, c'est pareil, avec Allah et Mohammed et bien d'autres. Donc c'est ainsi que cet esprit d'embrigadage-là a fait en sorte que beaucoup de personnes ont du coup décidé de pouvoir évoluer en solo ou en penseur libre. Donc c'est de ceux-là aujourd'hui que je vais m'adresser. Parce que beaucoup d'entre eux se cherchent. Votre humble serviteur se trouve dans cette catégorie de personnes qui sont des libres penseurs. C'est-à-dire, en fait, au préalable, je me suis développé personnellement. Après avoir fait le tour de toutes ces religions, j'ai fait le tour, l'horizon de tous ces milieux sectaires, les loges, les sociétés magiques à gauche et à droite, et j'ai suivi ma propre initiation dans le rite ancestral de chez moi au Gabon. Et ensuite, je me suis initié au Bouti. Et donc, au cours de ces initiations reçues et vécues, j'ai finalement compris que le développement personnel individuel dans votre élévation ou dans votre évolution dans votre vie était mieux que d'appartenir à tous ces milieux sectaires ou religieux ou encore dans ces loges, car votre âme n'est pas libre. Veuillez vous référer à la vidéo que j'avais sortie intitulée La mort. Ça parle de la mort. Qu'est-ce qui se passe? Le phénomène, d'abord la définition de la mort du point de vue clinique et du point de vue spirituel d'initié. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en réalité quand vous transitez de l'autre côté? Là-dedans, j'explique effectivement que vous aurez le temps de le suivre. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais juste pour vous dire que lorsque vous appartenez à une secte ou vous appartenez à une religion, le danger est que votre âme est embrigadée. Votre âme est greffée à cette religion. Ce qui fait que vous n'êtes pas vraiment libre dans le plan invisible. Vous pensez être libre dans le plan matériel parce que ce pasteur prie pour vous. En d'autres mots, la religion, les leaders de la religion prient pour vous. Mais quand ils prient pour vous que votre vie prospère, hein, que votre vie prospère, sachez bien que ce sont les énergies de cet égrégore. Supposez si c'est Jésus, ben, ce sont les égrégores christiques, donc les égrégores qui émanent de l'entité qu'on a créée qui s'appelle Jésus-Christ le Sauveur. Donc ces énergies-là, pardonnez-moi. Okay, I'm busy, please. I'm busy. I'm doing a video, okay? I'll be done by in about an hour. All right, thank you. Pardonnez-moi. Donc, comme je le disais, veuillez m'excuser, j'ai été un peu perturbé là. La connexion s'est coupée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme mon phone est connecté également à l'appareil auquel je fais mon live, Pardonnez-moi une fois de plus, ok? Pardonnez-moi. Donc, cette situation, donc, comme je disais, veuillez me pardonner un peu. Ces mecs, donc, hommes et femmes, qui appartiennent à ces religions ou sectes, veulent s'en détacher parce qu'il y a eu l'éveil de la conscience. Cet éveil de la conscience, c'est quoi? Vous qui êtes en Europe, ou ceux qui sont ici aux États-Unis avec moi, et même en Afrique, il y a des librairies ésotériques qui poussent comme des champignons, qui poussent à gauche et à droite. Ce qui fait que beaucoup d'Africains, en un mot, de manière générale, beaucoup de personnes, que ce soit blanc ou noir, ont cet éveil de la conscience à travers la curiosité. Donc, ils lisent beaucoup. Et en lisant ou en écoutant et en suivant des vidéos telles que je les partage là depuis un bon moment, ce sont des connaissances qui ont été testées. Et je les ai vécues personnellement, j'ai expérimenté, voilà pourquoi je viens les partager. Donc, ceux qui acceptent et qui rentrent dans cette compréhension, du coup, ils sentent une menace, le fait d'être toujours dans ces sectes ou dans ces églises ou les milieux, dans les loges et tout ça. C'est là où on parle du phénomène égrégorique, disais-je. Donc, votre âme est embrigadée, votre âme est en quelque sorte dans une prison. Et étant dans cette prison, vous pensez être libre. C'était là où je m'étais arrêté avant d'être perturbé. Vous pensez être libre dans le plan matériel. Le prêtre qui prie pour vous, le pasteur qui prie pour vous, étant membre de cette secte ou de cette religion, va sous couvert de l'égrégore qu'il manipule, l'égrégore qu'il invoque. Donc cet esprit ou entité qu'il invoque va vous donner tout ce dont vous désirez puisque vous vous connectez, votre âme fait partie de ce groupe. À partir du moment où, là encore je vous donne la référence sur comment démissionner ou sortir d'une secte. Et là je donne des instructions fermes comment le faire. Justement, pourquoi? Parce que quand vous êtes rentré dans cette secte, dans cette religion, vous avez signé des contrats, et ces contrats, à travers les tracts ou encore les livres que vous étudiez, ça vous lie directement avec, n'est-ce pas, ces entités-là, ou ces égrégores, ou encore ces religions, ou ces sectes, ou ces loges. Donc aujourd'hui, disais-je, je vais plus parler, parce que beaucoup de gens, certainement comme vous qui me suivez, ont décidé que, bon, écoutez, puisque cette affaire des loges-là, ça ne nous amène nulle part, surtout qu'on a découvert que ces loges, c'est beaucoup plus une affaire de banditisme, des clubs, et ceci, cela. Bon, écoutez, c'est pas toutes qui sont mauvaises, mais de manière générale, quand on les voit en Afrique, la perception, elle est tout à fait négative. Et les religions, c'est la même chose. Le Jésus que les humains adoraient au 1er siècle jusqu'au 5e, 7e, n'est plus le même Jésus aujourd'hui, parce que c'est un Jésus de business, c'est un Jésus de prospérité et tout ça. Et du coup, les gens, même l'éveil de la conscience n'est plus vraiment actif parce que les gens continuent à forniquer, ils continuent à commettre l'adultère. En un mot, vraiment, les gens n'ont pas l'éveil. Par contre, quand vous vous développez au-dessus, suite à toutes ces déceptions que beaucoup d'entre vous ont eues, alors certains se sont dit, bon, moi, je veux donc me développer en solo, je vais être un libre penseur. Et ce libre penseur, c'est cette personne-là qui est indépendante, qui décide que, bon, écoutez, moi, loin du tétamar, loin de toutes ces conneries-là, moi, je vais faire mes recherches. Donc, vous commencez à faire des recherches. Et ces recherches vous amènent dans des milieux tels que le mien ici. Vous êtes rentré ici, pas par accident. Et quand vous rentrez là-dedans, vous allez apprendre pas mal de choses. Et aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est quoi? C'est que le développement personnel, un développement individuel, spirituel, qu'est-ce que c'est? Se développer spirituellement veut dire que tout comme vous développez votre corps, hein, par exemple dans le cadre des arts martiaux, je suis rentré dans les arts martiaux depuis très jeune âge, alors on vous apprend comment lancer un coup de poing ou un coup de pied, on vous montre l'anatomie de l'homme et tout cela. Il en est de même dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand vous voulez donc être un libre penseur, donc en d'autres termes, quand vous voulez vous développer individuellement, mais cela ne vous défend pas effectivement merci beaucoup. Cela ne vous défend pas effectivement de continuer à fréquenter votre église ou à fréquenter votre secte ou bien votre loge. C'est un plus pour vous. Voyez-vous? Donc vous continuez à recevoir ces connaissances parallèles. Vous continuez à lire des livres à gauche et à droite. Et donc je vous donne la liste de certains milieux. Vous pouvez, dans ces milieux-là, vous pouvez vous développer tranquillement sans danger. Je vais vous donner la liste. Donc vous, en tant qu'individu, vous vous développez personnellement. Et souvent, ce développement personnel, c'est une prise de conscience d'abord. C'est un questionnement où vous cherchez donc à avoir beaucoup de réponses et qui, malheureusement, dans les milieux religieux ou dans les sectes ou dans les loges où vous êtes parti, personne n'arrive à vous donner la réponse exacte. on tourne, vous tournez autour du pot sans avoir les véritables attentes. Parce que les véritables attentes d'un individu, ce n'est pas nécessairement l'aspect matériel. Voyez-vous, ce n'est pas l'aspect matériel, mais c'est plutôt cet état de bien-être, ce véritable bonheur, cette paix intérieure. Parce que dès que vous arrivez à ce stade d'avoir la paix intérieure, là, ce n'est pas une affaire simplement de credo, comme le disent certains religieux. Cette paix ne devait point vous permettre, une fois que vous avez atteint cet état de paix intérieure, de tranquillité interne ou de sérénité, vous ne pouvez plus être victime ou encore, vous ne pouvez plus. Je n'ai pas dit que vous allez devenir parfait, mais vous avez ce qu'on appelle le self-control. Vous saurez désormais comment contrôler vos émotions, comment contrôler vos sentiments, comment justement se mettre à l'abri de certaines attaques, que ce soit physique ou spirituel. Voyez-vous? Donc, ce développement personnel passe premièrement par le questionnement permanent. Pour cela, je disais, quand on n'est pas initié, on vit dans un questionnement permanent. Donc, suite à ce questionnement permanent, donc, vous êtes poussé à chercher, à découvrir la vérité. Voilà ce qui se passe. On est très perturbé là depuis un bon moment. Donc, disais-je, vous allez lire des livres. Vous lirez ces livres-là, vous faites la sélection de ces livres, et souvent, la plupart des livres que moi, j'ai souvent recommandé, les livres que je recommande souvent à tous ceux qui veulent se développer individuellement, ce sont souvent les livres, par exemple, les livres sur, comment on appelle, la culture égyptienne, la culture gréco-romaine, la littérature grecque, la littérature romaine, la littérature judéo-chrétienne. Ça, c'est les genres de livres que je vous conseille de lire. Il y a pas mal de livres et de, comment dirais-je, pas mal de philosophes également. Vous pouvez lire certains philosophes européens. Je vous parlerai par exemple au cas de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, bon, même s'il a d'une manière ou d'une autre dépeint un peu l'aspect positif de l'esclavagisme en Afrique, mais il a également déploré le côté folklorique des religions qui ont été imposées aux indigènes, dit-il. C'est-à-dire les religions qui ont été importées du côté de l'Amérique, du côté de l'Afrique. Mais ce sont des philosophes que je vous conseille de lire. Je vous conseille également de lire Platon. Je vous conseille de lire Descartes. Descartes, dans sa méthode également, à l'esprit cartésien, il en parle. Et qu'est-ce que c'est l'esprit cartésien? C'est en lisant la méthode de Descartes que vous allez apprendre pas mal de choses. Que c'est pas parce que les gens croyez à un dogme, croyez à quelque chose que vous vous êtes obligé d'y croire. Donc, c'est pas mal. Il fait partie des personnes que j'ai beaucoup lues, mais je parle de Descartes. Donc, l'esprit cartésien, c'est celui-là. Ce n'est pas un esprit qui forcément consiste à nier l'existence de Dieu. Non, c'est simplement un esprit qui vous permet de mettre en cause toute connaissance ou bien toute. Comment dirais-je, tout ce qui vous est exposé, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il faut passer par le test de contestation et de vérification. Et une fois vous êtes convaincu que cela va de pair avec votre entendement ou votre évolution, alors vous l'acceptez. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans la plupart de mes vidéos où je dis aux gens, quand vous vous intéressez à faire un développement personnel ou rentrer dans une secte ou dans un milieu, souvent, je vous encourage de lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. C'est un livre que moi j'ai appliqué depuis quand j'étais témoin de Jéhovah ou j'étais quand j'étais chrétien. Ce livre dit bien, c'est l'apôtre Paul qui porte le conseil que lorsqu'on vous amène ou on vous apporte toute connaissance, une connaissance qui est exposée soit à travers des vidéos que moi je fais ou bien d'autres personnes, ou des livres que vous allez lire, une fois donc vous avez accès à ces connaissances, vous devez faire une vérification minutieuse. Donc, vous analysez ce que la personne dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ses connaissances, bien, vous les rejetez du revers de la main. Mais si vous êtes d'accord, vous êtes accepté. Donc, ce n'est pas dans ce sens, enfin, c'est la compréhension de ce verset. Le verset dit que toute connaissance qui vous est apportée, veuillez l'examiner diligemment et accepter ce qui est excellent et rejeter ce qui n'est pas bon. Donc, c'est le conseil que je te porte aujourd'hui. Et ce conseil reste applicable dans le développement personnel. Par exemple, je vous donne une liste. Dans la partie du développement personnel en ce qui concerne la partie pratique, Je vous conseille de lire, comme je disais, les écrits sur l'Égypte, les écrits sur la Grèce, les écrits sur comment dirais-je, le pouvoir judéo-chrétien, ou encore les écrits sur en un mot, toutes ces religions qui ont influencé le monde. Et pour le développement personnel, vous avez une bagatelle de yoga qui sont disponibles. Vous pouvez essayer, parce que le yoga n'a rien de sectaire. Et vous verrez même que l'hindouisme, c'est l'unique religion au monde qui n'est pas une religion comme toute autre. Ils appellent ça un lifestyle. C'est-à-dire que c'est un style de vie, en fait. On ne vous impose pas de forcément vivre comme eux. Mais vous verrez que les principes bouddhiques, ces principes des bouddhistes, ce sont des principes qui, la plupart, rentrent en harmonie avec la manière de comprendre la vie. Voyez-vous, par exemple, le karma, ça c'est un phénomène tout à fait naturel. Si vous faites du mal aux gens, ou vous souhaitez du malheur à quelqu'un, mais ce malheur vous arrivera forcément. Parce que c'est comme l'aimant. C'est comme l'aimant. L'aimant attire le fer. Donc, si vous attirez tous les malheurs du monde, ça vous allez toujours dans le malheur. Mais si vous attirez le bonheur, vous serez toujours un homme heureux ou une femme heureuse. Alors, je vous conseille certaines écoles que j'ai essayées moi-même. Cette école a été fondée par Monsieur Bernard Lancelot. Bernard Lancelot, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est quelqu'un qui vit en France. Je ne sais pas s'il vit encore, mais dans le temps où je l'ai connu, il y a 25 ans de cela, il était un grand hypnotiseur de spectacle. Il a fait des cours et des séminaires sur l'hypnose. Et il a créé une école qu'on appelle Alpha International. Bien sûr qu'il a eu le soutien de beaucoup de personnes autour. Et ce mouvement Alpha International, vous pouvez aller online, hein, sur votre téléphone ou à l'ordinateur, vous vérifiez, vous faites la recherche sur Alpha International. Alpha International est une école, je peux dire, une voie qui n'est pas compliquée. Il vous donne un programme et lequel programme vous aide à vous développer personnellement. Vous faites tout chez vous. On ne vous oblige pas d'aller. C'est vrai qu'à Montpellier, où se trouve le centre, le headquarter, comme on le dit en anglais, donc où se trouve le siège même de cette école, c'est une école philosophique et qui a à peu près les mêmes styles, le même style que les écoles rosicruciennes. Bon, donc, disais-je, Alpha International, il faut faire des recherches là-dessus. Prenez bien note. Vous partez sur l'ordinateur, vous cherchez. Et puis, renseignez-vous. Ils ont un numéro de téléphone qui est disponible. Alors, commencez à poser des questions. Moi, je vous recommande Alpha International parce que ils ne sont pas trop sectaires, ils n'ont pas trop ce phénomène de faire certains rites qui engagent votre âme à pouvoir faire quoi que ce soit. Vous prenez ces enseignements-là individuellement juste pour votre propre formation personnelle. Okay? Je vous recommande également une école qu'on appelle la Rose Croix d'Or. Rose Croix d'Or. OK? Ce n'est pas la Rose Croix que vous connaissez, ce n'est pas la Rose Croix à Morgue. Ancient and mystic, ancien et mystère des ordres, quoi, quoi, là. Non, ce n'est pas ça. Je ne vous parle pas de la Rose Croix à Morgue. Bien que la Rose Croix à Morgue, à son origine, hein, c'est également un certain Bernard, qui était l'un des premiers grands maîtres en France, je ne sais pas s'il vit encore, on l'appelle l'empereur. Donc, la Rose Croix prend son essence normalement en Égypte. Bon, mais maintenant, les Rose Croix aujourd'hui, allez-y savoir. C'est pour cela que je vous recommande de pratiquer ou bien de vous affilier à la Rose Croix d'or pour votre développement personnel. Si vous voulez me poser des questions en inbox, sentez-vous libre. Hein? Mais je vous dis que la liste des écoles que je vous donne, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas un engagement égrégorique ou rendre votre âme complètement embrigadée. Leur but, c'est de vous aider à vous développer individuellement. C'est un développement individuel. En plus, ils vous donnent le choix. Ils vous donnent le choix, soit de choisir ce que vous voulez faire, pour votre développement personnel. Si vous trouvez que ceci ne vous convient pas, bon, il vous prévient que, OK, il n'y a pas de problème. Vous avez donc un choix à faire. Et vous êtes libre. Les livres, vous les payez. Il n'y a pas des cotisations obligatoires. Vous êtes. Parce que ça, c'est que j'explique, j'ai toujours expliqué ça, que lorsque vous devez payer des cotisations mensuelles ou annuelles, par exemple, au cas comme ça se passe dans la maçonnerie ou ça se passe dans la rose quoi à Morgue, ces cotisations que vous donnez là, mettent en relation, mettent votre âme en connexion directe avec cet égrégore. Donc, vous êtes greffé. En un mot, vous êtes donc embrigadé. En d'autres termes, en tant qu'initié, je dirais, vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Or, l'objectif de tout initié libre, de tout initié, c'est d'être libre. Et quand vous êtes libre, veut dire que lorsque vous quittez cette terre pour aller dans d'autres dimensions, vous n'aurez pas, votre âme n'aura pas à transiter sous couvert d'une religion qui vous a embrigadé longtemps. Parce que vous avez appliqué ce que je vous ai dit la dernière fois, comment démissionner d'une secte, comment sortir des milieux religieux. Sinon, votre âme va être toujours attachée. Et ce n'est pas bon d'être un délinquant spirituel. Vous êtes ici, vous êtes là, affilié au même moment, au lieu de faire ce que je vous ai toujours appris. La meilleure, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vous avais appris? La meilleure méthode, c'est vous fréquentez peut-être des francs-maçons, mais vous les fréquentez, vous avez pris ce qui est beau pour vous et vous gardez. Vous fréquentez, vous êtes allé au Bouti, vous avez vu les gars de Missoko, bon, il y a certaines choses que vous n'avez pas appréciées, mais vous avez gardé ce qui est bon. Donc, quand vous avez fait tout ce tour d'horizon, ensuite, vous continuez à vous développer individuellement. Voilà un véritable initié. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas attaché à ces ou bien greffé à ces égrégores. Donc, Alpha International, cherchez à pratiquer toute forme de yoga, surtout de pranayama yoga. Et ensuite, je vous ai parlé de la rose croix d'or. En dehors de la rose croix d'or, chez nous en Afrique, nous avons également certains milieux que vous pouvez vous développer personnellement. Par exemple, je vous recommanderais de vous initier au rite des ancêtres. N'a rien à voir avec l'Ubuti, n'a rien à voir avec le machin des initiations de nos traditions, machin oral ou quoi. Non. Ici, il s'agit de l'initiation du rite ancestral. Qu'est-ce que c'est un rite ancestral? Qu'est-ce que c'est la tradition du rite ancestral? Mais ce rite, cette tradition du rite ancestral, c'est votre initiation individuelle. On vous met en connexion ou en communication avec vos ancêtres. Les ancêtres, c'est qui? C'est votre mère qui n'est plus ce monde, c'est votre père qui n'est plus ce monde, c'est votre grand-père qui n'est plus ce monde, c'est votre oncle, bref, tous ceux qui étaient attachés à vous, que ce soit du côté maternel ou paternel. Le rite, donc, qu'on va pouvoir vous faire, vous permettra d'ouvrir ces portes invisibles qui vous bloquaient. Arrivé le moment où vous rêvez vos grands-parents, vous rêvez votre père ou tous ceux qui ont déjà traversé le monde de l'au-delà, vous les rêvez. Mais il s'avère que ces rêves semblent être réels, mais malheureusement, vous ne pouvez pas communiquer avec eux. Donc, voilà pourquoi nos ancêtres, depuis l'Égypte, nos premiers ancêtres, ont trouvé un moyen. Et ce moyen, c'est pour éviter l'isolement. Pour éviter justement cet esprit d'abandon ou de suicide, même, on a eu des gens parce que le père, la mère, tous sont partis, ils se sentent abandonnés, ils peuvent se suicider. Alors, ils ont créé donc le rite pour votre développement individuel. On vous permet, on vous forme chez vous, vous le faites chez vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, mais. Les esprits des ancêtres sont partout avec vous. Vous portez un nom qui vous lie avec ces entités-là. Si vous êtes de la famille Musunda, mais forcément Musunda est lié avec Musoju, ou Musoji. Musoji était le fils de Mubamba, et Mubamba était le fils de Kumba, et Kumba était le fils de Mirenji, et Mienji était le fils de Malamba. Et Malamba, et ainsi de suite. Donc, vous, par votre nom, vous êtes lié à 100% à ce cordon ombilical invisible qui vous permet d'avoir accès aux arcanes secrètes. Donc, l'une des techniques très efficaces pour ceux qui sont au Gabon, Au lieu de rentrer dans les alphas internationales ou encore le yoga ou les roses croix d'or, eh bien, vous pouvez demander des gens qui connaissent, vous me contactez en privé, je peux vous recommander. Si vous êtes avec moi ici, ben je vous initie. C'est un rite qui ne prend même pas 2 jours. Le rite s'appelle le rite de nos ancêtres. C'est le rite d'invoquer comment rentrer en communication avec nos ancêtres. Ça veut dire quoi? Mais c'est la même chose pour le chrétien lorsque il veut prier. Ça doit être quelque chose de régulier. Vous n'allez pas seulement prier quand vous avez un problème. Moi, je parle avec mes ancêtres. Avant de venir vous parler ici, je communique avec eux. Avant de dormir ce soir, je vais les invoquer malgré le froid. Je vais les invoquer. Et avant de faire mon examen à l'école, de prendre mon test de main, je les invoque. Et ce qui est bizarre, l'anglais étant ma quatrième, ma troisième langue, parce que je maîtrise mieux le français et l'espagnol que l'anglais, parce qu'il y a également le russe qui m'embrouille un peu là parfois. Mais lorsque je passe mes tests, puisque l'école aux États-Unis, c'est en anglais, à ma grande surprise, je sors toujours avec le E+. E+ veut dire quoi? Excellent, 100%. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les ancêtres sont en contact avec moi. Je les invoque, je dis, écoutez, moi, je vais aller faire cet examen-là. Hein? Les Américains m'embrouillent parfois dans leur accent ou sur le papier. J'aimerais que la question qu'on va me poser là, c'est vous qui me souffliez les réponses. Et comme je l'ai dit dans les magies pratiques, puisque 1976-18, j'avais les bics automatiques, on appelle ça. La maison Raoul à Onfray à l'époque. Et aujourd'hui également, il y a certaines maisons sûrement qui offrent ce genre de, on appelle ça comment, des bics, d'écriture automatique. Bref, le développement donc personnel, spirituel, est mieux. Parce que quand vous vous développez individuellement, personnellement, vous n'avez des comptes à rendre à personne. Et ensuite, dans le plan invisible, vous ne savez pas ce qui se passe. Dans le plan invisible, vous avez un contact direct avec les arcanes secrètes. Parce qu'il y a des guides invisibles, il y a des grands maîtres dans le plan invisible qui s'intéressent à votre travail personnel. Parce que dans le travail individuel, il n'y a pas que l'association et l'affiliation. Par exemple, quand je vous parle d'Alpha International ou encore de la Rose Croix d'Or, vous verrez que leur méthodologie, elle est beaucoup plus différente des religions ou encore des loges maçonniques. Parce que là-bas, on ne va pas vous expliquer que pour traverser de tel degré à tel degré, il faudrait que vous éliminiez de votre vie telle habitude ou telle habitude. Par exemple, ils vous aideront à travers votre signe astrologique. Si vous êtes, par exemple, taureau, on vous dira, bon, vous les taureaux, vous êtes animés de la violence, vous êtes animés de ceci. On vous montre tout ce qui est négatif. Et ensuite, parallèlement à cela, on vous montre l'autre tableau des qualités que vous devez cultiver. Donc, on va vous aider à identifier qui vous êtes. Voilà le développement personnel. Dans les religions, la plupart des temps, ce n'est pas ça. On vous dira, ne mentez pas, ne commettez pas l'adultère. On va vous mettre un amalgame, un fardeau de commandements qui, parfois, on vous explique que non. On vous parle même des réalités qui n'existent pas. On va vous dire que vous irez en enfer si vous n'observez pas ça. Vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Et je vous l'ai prouvé par A plus B que le royaume de Dieu, comme par le royaume céleste, non, ce n'est pas là-bas au ciel. La Bible est claire que Dieu a créé l'homme pour vivre sur cette terre. Le paradis en question, c'est sur terre. Mais sauf que nous en avons fait de ce paradis un véritable gabegie, une véritable confusion totale. Mais ça nous revient, c'est notre droit de pouvoir nettoyer ce paradis. En d'autres termes, pouvoir conclure cet exposé, vous développez spirituellement vous-même à un grand avantage parce que pour ne pas me répéter, votre âme est indépendante. Vous êtes indépendant des attaques spirituelles parce que vous êtes invisiblement soutenu, soit par vos ancêtres, soit par les esprits de l'au-delà, donc les grands maîtres. Il y a des guides invisibles qui sont disponibles. Il y en a des milliards, sans que vous en rendiez compte. Ça peut être des connaissances à vous, des amis et connaissances qui vivaient du temps, qui vous aimaient bien. Ou les parents qui vous aimaient, même si vous ne faites pas le rite. Mais ils vont toujours vous inspirer, vous sentir toujours une voix qui vous dit quelque chose. Hein? Et puis, dans le développement individuel, j'en parle, dans vos enseignements, il y a des observations. Cette affaire de téléphone, par exemple, moi je vous dis, moi je l'utilise uniquement quand je viens faire ces histoires et choses-là. Le téléphone, vous ne devez pas l'utiliser à tout moment. Parce que dans le téléphone, la matière qu'on utilise pour la communication, on appelle le coltan, là, dégage certaines ondes négatives, nocives pour votre santé. Voyez-vous, ces ondes-là détruisent votre cerveau, ça perturbe votre aura. Donc, le téléphone, les tablettes, je ne sais quoi trop d'autre dire, en dehors du téléphone en ligne, le téléphone que vous gardez à la maison, le téléphone fixe n'a aucun inconvénient. Et même là, vous devez éviter de trop parler. Et votre humble serviteur vous a toujours dit que j'ai 2 jours dans la semaine où je ne parle pas du tout. J'arrête le téléphone. Je ne travaille même pas. Je ne fais pas des choses, je ne fais rien. J'arrête tout. Et cela est recommandé. Ça fait partie de votre développement individuel personnel. Si vous voulez renforcer votre relation avec les maîtres invisibles, vous voulez renforcer votre relation avec celui que vous appelez Dieu, Nzambakana, Tatmwanga, ainsi de suite. Ça, c'est très, très important. Et je disais donc que. Pardonnez-moi, lorsque vous allez quitter ce monde, votre âme est libre. Votre âme sera libre quand vous avez un développement personnel individuel. Vous n'appartenez à aucune secte ou à aucune religion. Et lorsque vous allez quitter ce monde, votre âme va rejoindre, n'est-ce pas? Vous verrez même que les gens qui viendront vous accueillir, ce sont vos ancêtres. Ce sont les guides invisibles, les grands maîtres de l'au-delà qui vont venir vous accueillir. Quelle joie! Au lieu que ce soit des esprits qui vont vous dire non, voilà, vous étiez catholique, vous étiez ceci, bon voilà, l'enfer vous attend si vous n'avez pas, parce que vous n'avez pas fait, parce que vous n'avez pas fait le bien, on va vous brûler, voici, on vous montre. Et n'oubliez pas qu'à tout état de conscience égale à tout état de vie. Parce que tout ce qu'on vous enseigne dans le plan matériel, voyez-vous, tout ce qu'on vous enseigne dans le plan matériel ici, eh bien, dans le plan invisible, vous les allez retrouver ces réalités-là. Donc, faites très, très, très attention. Donc, c'est pour vous dire que c'est un avantage lorsque vous développez, vous faites votre propre développement spirituel individuel. C'est un avantage. Cela est mieux de vous développer individuellement que de se greffer dans des sectes ou dans des religions qui, parfois, ces dogmes, les dogmes ou les enseignements qu'on vous donne là-bas, embrigadent votre conscience, embrigadent votre âme. En d'autres termes, vous devenez prisonnier parce que vous n'êtes pas libre. Voyez-vous, ce sont ces religions ou ces sectes qui doivent vous dicter ce que vous devez dire. Ce sont elles qui vous dictent comment vous devez vous comporter. Ce sont elles qui vous font ceci ou cela. Ce n'est pas normal. Alors que Dieu vous a créé, Nzambakana, vous a créé comme un être libre. Libre de toutes vos actions, libre de vos pensées, libre et avec le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc, cela est une vérité, est une logique, et par conséquent, suivez la vidéo tout au début, et j'ai parlé déjà des différents centres ou écoles qui peuvent vous aider à vous développer individuellement, spirituellement. J'en ai cité trois. Et puis, la quatrième suggestion, c'est le rite, l'initiation au culte ou le rite d'appel de nos ancêtres. Okay? C'est très important, s'il vous plaît. Évitez, ne soyez pas influencés par ce que le pasteur ou le prêtre va dire, c'est faux. Eux-mêmes, ils le font. Ils communiquent avec ces esprits de l'au-delà. Pourquoi ils dérangent les anges? Pourquoi ils appellent Saint-Antoine de Padoue? Pourquoi ils appellent Saint-Gabriel? Pourquoi ils appellent Saint-Michel? Pourquoi ils appellent Saint-Gabriel? Pourquoi? Mais parce que ce sont des entités de l'au-delà qu'eux, ils invoquent. Alors, eux, ils pensent que ces esprits-là sont plus puissants que nos ancêtres. C'est faux. La Bible dit bien que. Pour vivre longtemps sur terre, il faut te soumettre ou bien il faut obéir à ton père et ta mère, parce que ton père et ta mère représentent Dieu sur terre. On n'a jamais vu Dieu, mais voilà ce qui représente Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc cela est une logique que le culte de nos ancêtres, donc comment communiquer avec nos ancêtres, les invoquer de temps en temps, leur offrir de manière symbolique des présents, parce qu'ils ne les mangent pas du tout et vous ne devez même pas oser les manger. Vous offrez symboliquement ce qu'ils avaient l'habitude de boire et de manger ou de fumer. En retour, mais mon Dieu, vous avez une relation continuelle. Et ce sont eux qui vont vous recevoir lorsque vous allez quitter ce monde. Voilà pourquoi il faut être toujours très gentil de votre vivant avec vos parents. Même s'ils vous font du mal, bon, il faut toujours les aimer. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Pardonnez-moi une fois de plus pour nos enseignements, notre enseignement qui était prévu sur pourquoi. La plupart des hommes politiques ou des sorciers font souvent la chasse aux métis. Cet enseignement, au vu de son aspect, comment on appelle ça? vu son aspect un peu trop graphique, j'ai décidé de le skipper. En anglais, on dit skip. J'ai essayé un peu de l'éviter aujourd'hui et puis choisir un autre jour où on en parlera. Mais toujours est-il que j'ai été un peu taquiné. J'ai été taquiné par beaucoup de nos amis que vous connaissez là, qui sont dans le gouvernement, un peu à gauche, à droite. Ils m'ont dit non, je n'ai pas le droit de venir parler de leurs secrets. C'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Bah, écoutez, mon rôle, c'est d'informer, mon rôle, c'est d'éduquer. Hein? Bon. En réalité, c'est parce que j'ai eu cours aujourd'hui, c'est pour cela, l'heure que nous avions eue, vous avez constaté que j'ai débarqué ici à 19h, heure des États-Unis, qui correspond à minuit, voire minuit ou 1h en France, au Gabon. Bon, qui va être réveillé là? Donc, c'est à cause de ça. Et pardonnez-moi, je n'avais pas le temps de pouvoir être sur mon ordinateur pour faire passer le message parce que j'étais très bousculé. Merci, soyez bénis et puis d'ici là, portez-vous bien. Ce n'était pas un show qui était vraiment, comment dirais-je, prévu comme à la tradition. Hein. Vous devez poser des questions à tout ça. Donc, je crois que c'était juste ceci, parce que dans mes courriers, dans mes textes, les amis insistent. Non, il faut nous montrer, il faut nous dire un peu sur. Parce que la dernière fois, souvenez-vous, je vous parlais des pratiques magiques, les formules magiques et le développement personnel. Bon, ils ont dit non, il fallait. On n'a pas parlé beaucoup du développement personnel. Donc, voilà pourquoi ce soir, j'ai insisté de parler du développement personnel aujourd'hui. Au moins, ça va vous aider à identifier les milieux auxquels vous pouvez vous développer individuellement ou encore ce que vous devez faire. Okay? Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée et soyez bénis. Soyez bénis. Merci encore. D'ici là, je vais vous lancer le communiqué. Je crois dans 3 jours, je reviendrai vers vous avec le show sur les métis. Rassurez-vous, je ne baisse pas les bras, j'en parlerai. C'est très important. Merci beaucoup et bonne soirée.